Bonjour et bienvenue à tous sur Radioactive. C'est aujourd'hui la 6e édition de Je peux pas, j'ai patrimoine, un rendez-vous radiophonique mensuel dont l'objectif est de vous faire découvrir votre patrimoine local, les édifices architecturaux qui vous entourent, l'art, l'histoire et la manière dont toutes ces richesses sont inventoriées par l'équipe du Pays Loire Touraine. La thématique du jour va nous donner à tous envie de soleil, de balade, d'air pur et de grands espaces, puisqu'il s'agit des parcs et jardins. Le soleil, elle nous l'a apporté aujourd'hui dans son baluchon, notre invitée, Anna Brisson. Bonjour Anna. Bonjour Marlène. Anna, qui est toujours guide conférencière pour le Pays Loire Touraine dans le cadre du label d'art et d'histoire. Anna, eh bien, elle est en charge des missions de valorisation du patrimoine telles que les visites, les conférences. Et puis elle travaille également sur le volet action éducative avec Camille Touleland. Oui, tout à fait. C'est une grosse partie du travail. D'ailleurs, là, avec le mois de février, on reprend les actions dans les établissements scolaires. Ça va battre son plein jusqu'à fin mai. Et puis on s'attaquera un petit peu plus tard du coup au programme estival. Mais oui, là, ce sont les conférences et les scolaires au programme. Alors, on a la chance en Touraine d'avoir une terre d'histoire où le végétal se mêle avec l'architecture, bien sûr. Comment est venue l'idée de valoriser les parcs et jardins dans le cadre du Pays d'art et d'histoire ? Eh bien, en fait, on a commencé par proposer des visites, par exemple, de centres-bourgs, d'édifices religieux. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour nos visiteurs à découvrir des lieux privés un petit peu inédits. Mmh. Donc, grâce au label, on est allé toquer aux portes des propriétaires, des privés. Et souvent, ils nous ont répondu très favorablement. L'idée, c'était de ne surtout pas les déranger dans leur lieu de vie, puisque souvent, ces jolies résidences, ces châteaux sont leur lieu d'habitation. Alors, pour faire découvrir ces lieux sans entamer, on va dire, l'intimité des propriétaires, eh bien, en fait, on fait entrer les gens dans la cour, dans le parc, dans le jardin. Depuis cet espace, on va pouvoir décrire l'architecture, bien sûr, de la demeure ou du château, mais on est dans un cadre de verdure tout à fait idéal. Du coup, ça a été l'occasion pour nous de commencer à faire des visites de parcs et de jardins, en remettant un peu en contexte la création des parcs et des jardins selon les périodes. Parfois, on a la chance de pouvoir citer de grands architectes paysagers sur notre territoire. Et comme ça, on a commencé les visites de parcs et jardins. Puis, il y a autre chose de très important. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des villes et pays d'art et d'histoire de la région Centre-Val-de-Loire. Alors, à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, est venue l'idée de produire une superbe brochure sur justement les parcs et jardins remarquables, que ce soit des sites ouverts au public de manière récurrente, parfois des sites complètement publics ou même parfois des sites privés, découvrir tous ces lieux de balade, de découverte et on pourrait dire aussi parfois de méditation ou d'apaisement. Être tranquillement dans un parc, sur un banc, à réfléchir avec soi-même ou avec son livre, c'est quand même très agréable. Donc vous avez une très très très belle brochure que nous on distribue très régulièrement. Dès qu'on parle de parcs et jardins en visite, en conférence ou alors quand on participe à ce rendez-vous national très important que sont les rendez-vous au jardin. Et oui. Et oui, c'est un événement du ministère de la Culture organisé tous les ans le premier week-end de juin. On diffuse gratuitement cette superbe brochure. Il ne faudra pas hésiter à venir nous retrouver cette année pour les rendez-vous au jardin si vous voulez vous la procurer. Et vous pouvez venir éventuellement nous voir dans les locaux de Radioactive parce que on a la chance d'en avoir des brochures. Et on sait tout sur les parcs et jardins. Non, c'est pas vrai. On va laisser Anna nous expliquer tout ça. Moi, je me demande comment on repère parfois les jardins parce que si on se balade par exemple en ville, alors je pense à Amboise puisqu'on a Amboise, on a en centre-ville des demeures un peu bourgeoises, anciennes. Et derrière, il y a de magnifiques jardins, mais on n'aurait pas forcément idée qu'il y a des jardins à cet endroit-là. Est-ce qu'il faut une photographie terrestre de comment on les repère ? Alors, c'est vrai que la photographie aérienne peut-être une bonne idée pour découvrir tous ces halos, on va dire, végétaux. Très simplement, tout un chacun peut aller aujourd'hui sur Google Maps et voir des vues aériennes de son village, de sa ville et découvrir de grands espaces végétaux. Mais alors souvent, voilà, ce sont des propriétés privées. Bah oui. Donc, quand on a la chance comme nous d'avoir un label du ministère de la Culture, je le disais tout à l'heure, on peut aller toquer aux portes. Et puis sinon, parfois, il faut, entre guillemets, se contenter de tous ceux qui sont ouverts au public. Mais il y a déjà de très nombreux espaces publics qui sont très intéressants. Si vous voulez, je peux vous citer, par exemple, des création contemporaine. Et oui, parce qu'on dit toujours l'histoire des jardins. On va y venir. Mais regardez, par exemple, sur la commune de Chenonceau. Alors oui, il y a le magnifique château de Chenonceau avec ses jardins. Le jardin de Diane de Poitiers, le jardin de Catherine de Médicis, ils sont sensationnels. Mais figurez-vous que dans le centre-bourg du village de Chenonceau a été créé il y a quelques années un parc qui s'appelle le parc Jean Castagnou. On dit également le parc aux pivoines puisque c'est la particularité de ce parc qui est caché dans le centre-bourg du village. On part devant la placette de l'église et on va comme si on voulait cheminer sur l'arrière de l'office de tourisme. Et là, plus de 40 variétés de pivoines sont mises à l'honneur. Faut venir au bon moment alors parce exactement. Que la pivoine, c'est magnifique mais peu durable. Oui, oui, ça a une floraison assez fugace, assez éphémère, ouais. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, il s'est avéré qu'une étude il y a quelques années a été menée sur la commune de Chenonceau et qu'on s'est rendu compte qu'il y a environ 150 ans, Chenonceau était un centre très important de la culture de pivoine en France. Alors à la fois la culture, mais aussi l'obtention de nouvelles variétés de pivoine. Eh ben tiens. Et alors, on ne s'en doute pas comme ça quand on ne connaît pas l'histoire, mais vous connaissez tous le docteur Bretonneau, avec le célèbre hôpital Bretonneau, par exemple, de Tours. Mm-hmm. Bien, figurez-vous que Pierre-Fidèle Bretonneau a été médecin de campagne à Chenonceau. Il était féru de tout. Il était curieux de tout. L'apiculture, le travail du verre, bien sûr, la médecine, mais il aimait aussi beaucoup les fleurs. Et avec son fils, Étienne Méchin, eh bien, ils se sont intéressés à la pivoine et ils sont à la tête d'une dynastie en fait de créateurs et d'obtenteurs de pivoine. Les variétés de pivoine étaient vendues à travers la France et à travers le monde. Et il y a quelques années, il a fallu recomposer toute cette histoire, remettre bout à bout tous les petits morceaux d'histoire qu'on avait et l'idée, c'était de replanter des pivoines à Chenonceau. Mmh. Donc 40 variétés, c'est pas mal du tout. Et aujourd'hui, il faut savoir que le plus grand nombre de pivoines qui avaient été créés à Chenonceau à l'époque, dans la dernière partie du 19e siècle et au début du 20e siècle, elle ne se trouve pas chez nous en France, elle se trouve aux États-Unis, où à l'époque il y avait de grands collectionneurs qui ont conservé ces collections de pivoines. Et du coup, il a fallu aussi se tourner vers eux pour recréer ce parc aux pivoines à Chenonceau. Allez y faire un tour, c'est joli à toutes les saisons, mais c'est vrai que quand les pivoines sont en fleurs, c'est remarquable. Voilà, donc on peut aller à Chenonceau pour le château, mais pas que. Et puis un autre exemple tout à fait dans le thème des fleurs, si vous vous baladez du côté de Château Renaud, vous montez dans le parc du château, vous savez, le château est occupé aujourd'hui par la mairie, par l'hôtel de ville de Château Renaud, il y a le très très beau donjon médiéval également, oui. Et bien dans les anciens potagers de la forteresse médiévale a été plutôt recréée une roseraie. Donc là on est sur une vraie collection de roses, principalement des roses anglaises là-bas, alors c'est pareil, c'était extrêmement joli, on a beaucoup de tons dans les roses, violet clair, mauve, c'est très agréable. Et tout comme le parc Jean Castiano de Chenonceau, on est en accès libre, on peut aller s'y balader et s'y reposer sans souci. On voit qu'il y a une vraie volonté quand même, alors je ne sais pas si c'est propre à notre territoire, mais de recréer justement ces ambiances végétales d'antan, j'ai envie de dire. Je pense à Château Gaillard notamment avec l'orangerie. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a la Bourdaisière avec ses tomates. Mais oui, et ses dahlias en fait. Oui. C'est vrai qu'on pense souvent à la Bourdaisière pour son superbe conservatoire de la tomate, mais pas que. Alors déjà, la particularité par exemple du château de la Bourdaisière, c'est qu'on va avoir une construction datant de la Renaissance, mais avec énormément de reprises et de nouvelles constructions au 19e siècle. Et il s'avère que le 19e siècle, c'est le grand siècle de l'art des jardins. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais on a quand même eu les jardins médiévaux avec les plessis de noisetiers ou de châtaigniers, les carrés qui étaient cultivés en hauteur, et puis à la Renaissance, les très beaux jardins, les jardins 17e qu'on dit les jardins classiques, vous savez, avec ces petites parterres tout à fait géométriques qu'on appelle des broderies végétales. Au 18e siècle, le parc paysager à l'anglaise, alors oui, Toutes ces histoires de tous ces jardins ont nourri les paysagistes du 19e siècle. C'est le siècle d'or de l'architecture paysagère. Et au château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, on a fait appel au tout début du 19e siècle à André Leroy. André Leroy, c'était un grand pépiniériste et paysagiste qui travaillait sur la commune d'Angers. C'est un très grand nom vraiment parmi les architectes paysagers. Il a dressé des plans et finalement les plans n'ont pas été réalisés, mais le propriétaire de l'époque s'en est inspiré, il a fait ses propres plans et on est dans le début du jardin paysager au 19e à la Bourdaisière. Un petit peu plus tard, c'est un architecte paysager dont j'aimerais beaucoup vous parler qui s'appelle Édouard André, qui a travaillé sur d'autres plans, des plans supplémentaires, complémentaires. Là on est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle, et puis au début du 20e siècle, un autre architecte paysager qui s'appelle Louis de Gorges, qui a travaillé sur le grand parterre qui existe encore. Il forme une grande fleur de lys dans le jardin qui va se trouver le plus bas au pied du château, avant on monte sur la terrasse du château et ensuite à l'arrière vers le conservatoire de la tomate, le potager, et encore derrière le dahlia color. Donc trois grandes générations de paysagistes se sont succédées à la Bourdaisière: André Leroy, Édouard André et puis Louis de Gorges. C'est tout à fait remarquable. On salue Cyril Braillet-l'Écureuil s'il nous écoute, puisqu'il est intervenu plusieurs fois sur notre antenne. C'est quelqu'un qui est passionné par ce lieu où il travaille et qui en parle très très bien également. Ah, alors je ne connais pas Monsieur l'Écureuil, qui porte un très joli nom pour travailler dans un parc. Mais j'ai pour ma part eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Monsieur Nicolas Toutain, qui est le chef jardinier, le responsable des jardins de la Bourdaisière. Et c'est fantastique parce qu'en plus pour eux, il y a tout. Il y a le jardin régulier avec le parterre de Louis de Gorges. Il y a tout l'espace forestier avec des essences et certains arbres remarquables. La partie potager conservatoire de la tomate et puis l'espace créatif et coloré du dahlia color. Je pense que c'est très très varié. Travailler à la Bourdaisière quand on est jardinier, ça doit être quelque chose de tout particulier. Localement aussi, un lieu dont on parle beaucoup, c'est les châteaux de Valmer. Ah oui, alors les châteaux de Valmer avec ces différents jardins en terrasse, hein, c'est la particularité. Si vous ne les avez jamais découverts, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. En plus, c'est un domaine qui organise assez régulièrement des manifestations. Oui, tout à fait. Alors, particularité de Valmer, le château. Qui est à Chancé, on précise. Toute la commune de Chancé, donc on est sur la rive droite de la Loire. Le château de Valmer n'existe plus. Et oui, en effet, suite à un incendie de mémoire survenu en 1948, j'espère que je ne dis pas de bêtises, le château a malheureusement disparu. Est conservé cependant le logis du régisseur qu'on appelle le Petit Valmer. Donc c'est une très très très très très jolie construction, un très très bel édifice. Par contre, entouré d'un gigantesque jardin sur différents niveaux. Donc on parle de jardin en terrasse, jardin régulier, jardin potager également. La particularité de Valmer, c'est qu'il existe un plan du jardin qui est daté de 1695. Ah, waouh! Et quand on regarde ce plan, en fait, ça a très peu changé. Ah, c'est génial. Donc voilà, fin 17e et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Très peu de choses ont changé, donc ça, c'est très agréable. Un bel endroit où on peut aussi aller se perdre sur les hauteurs dans un labyrinthe. Et puis, il y a des caves troglodytes également. Exactement, aussi. Il y a des caves troglodytiques. Et oui, il y a des caves troglodytiques. D'ailleurs, dans une de ces caves est aménagée une très, très jolie chapelle qui est ouverte à la visite. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, c'est aussi une forme de jardin presque. Mais à côté, vous avez la vigne. Mmh. Et oui, la vigne, ça fait partie de notre environnement jardin autour de nous. Si on sort de chez nous et qu'on va se balader, on peut arriver dans les champs, au bord de nos rivières ou des fleuves, ou dans les vignes. Donc c'est important aussi, la vigne, elle a façonné l'espace végétal de la Touraine, tout comme la forêt, très importante. Comme on est sur la vigne et sur la forêt, on peut peut-être évoquer quelques instants, si vous me le permettez, les espaces naturels. Ah mais allons-y, au contraire. Eh oui, parce que en fait, ces espaces, ils existent d'eux-mêmes. L'homme n'y est que très très peu intervenu, mais ils peuvent être des lieux de vraies découvertes et de balades très agréables. Donc là, on parle de forêt, par exemple. Alors, ça peut être la forêt, mais moi, je pensais par exemple aux îles. Sur notre territoire, le Pays Loire-Touraine, on a plusieurs îles. Alors, il y a l'île d'Or à Amboise. Il faut savoir quand même qu'elle, elle a été classée en 1932. C'est quand même un belvédère superbe sur la Loire. Et puis, on a cette vue en contre-plongée, par exemple, sur le château royal d'Amboise. C'est très agréable. Et puis, on est en dehors de la grande circulation. Mmh. Voilà, donc c'est très agréable. Si on descend un petit peu la Loire, on va avoir l'île de Bondésir à Mont-Louis. Alors vous savez, elle n'est pas très très loin de la maison de la Loire. Et là-bas, on a un grand sentier découverte avec des panneaux d'interprétation. L'idée, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous, à la fois dans le monde végétal et dans le monde animal. Mais on est sur une île, pas seule au monde, mais presque quand on est en balade à Bondésir. Et on descend encore un petit peu plus la Loire, on arrive à la ville aux Dames. Et là, il y a l'île de la Métairie. Oui. C'est un lieu assez prisé, hein, des habitants de Roche-Corbon. Elle est relativement connue, celle-là. Et oui, ouais. Elle est connue, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une vraie île. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle l'île de la Métairie. Elle n'a été rattachée, en fait, sur son côté gauche, on va dire, à la terre ferme, qu'à la fin du 19e siècle. C'est assez récent dans son histoire. Avant, c'était une vraie île. Elle était isolée, entourée par les eaux de la Loire. Et puis, elle ne s'est rattachée qu'à la fin du 19e siècle. Là aussi, vous avez vraiment de quoi vous balader, parfois faire du sport. Et on sait qu'elle est fréquentée aussi par les habitants de Tours, hein, cette île de la Métairie, avec une vue remarquable sur les coteaux de Roche-Corbon, entre autres. Voilà. Et puis, des espaces un peu moins connus, mais aussi des espaces naturels, dont un espace naturel sensible, ENS, c'est une appellation. Par exemple, le parc des Grandes Fontaines à Bléré. Alors, les fontaines, c'est un lieu dit... Vous le connaissez sans doute sous le nom de Fontenay. Il y a le château de Fontenay à Bléré. Mmh. On est sur la rive gauche du Cher. Le château de Fontenay, c'est un domaine viticole, mais également un établissement qui reçoit du public dans le cadre d'hôtellerie, de gîtes. Et ce lieu-dit, Fontenay, les fontaines, c'est un lieu tout particulier. Imaginez qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, différentes sources, donc différentes fontaines, étaient captées. Et on emmenait toute cette eau, on acheminait toute cette eau jusqu'à Tours. Donc de Bléré jusqu'à Tours par un grand aqueduc qui s'appelle l'aqueduc de Fontenay. Donc on est sur des vestiges. Incroyable. Mais oui, on est vraiment sur des vestiges antiques en Pays Loire-Touraine. Ce lieu dit, donc les fontaines, est très important. On comprend de par le nom qu'on a probablement une humidité particulière qui va permettre justement cet espace naturel sensible. Donc lui, il est à découvrir. Et puis l'aqueduc de Fontenay, on a de la chance au Pays Loire-Touraine. On peut le voir à différents endroits. Ça, c'est une petite parenthèse au milieu des parcs et jardins. Sur la commune de Véretz, quand on entre dans la commune en venant d'Azay-sur-Cher, il y a une portion de l'aqueduc qui est exposée au bord du Cher, au niveau du camping des îles. Il y en a une partie visible, mais là, il faut s'y connaître dans une petite rue, la rue Vieille, une rue parallèle au Cher. Et sinon, quand vous avez la chance de suivre des actions avec nous, le Pays d'Arrêt d'Histoire, et qu'on vous emmène découvrir soit le château de Fontenay, soit le château du Coteau à Azay-sur-Cher, des portions d'aqueduc sont conservées dans les deux parcs de ces deux châteaux. Donc, en plus de parler des arbres remarquables, des architectes paysagers, on peut parler antiquité. Donc, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Mais bien sûr qu'il ne faut pas rater ça. Mais on a très envie, en plus, en vous écoutant parler, de venir vous rejoindre sur ces visites. Alors, il y a un terme, une dénomination que vous avez employée plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est « remarquable ». Alors, pourquoi on parle d'un parc, d'un édifice remarquable ? Alors, c'est quand souvent, il va se faire remarquer de par sa composition, de par ses dimensions, de par son style, de par des noms de propriétaires, des noms d'architectes paysagers. Alors, on peut nous-mêmes avoir un très, très, très beau jardin. Et certains particuliers ont réussi à créer des jardins remarquables. Là, je pense, c'est pas sur notre territoire, mais on est entre Tours et Le Mans, le jardin du Petit Bordeaux. Une pépite que j'ai découverte il y a 2 ans, et c'est juste un monsieur passionné de jardin qui a fait de son jardin une balade, une invitation à l'exotisme et au voyage. Donc on peut, à partir d'un petit espace, créer un jardin remarquable. En fait, l'idée, c'est que quelqu'un le remarque, tout simplement. Et à un moment, nous, on va avoir la chance d'avoir ces accès, comme je le disais tout à l'heure, facilités grâce au label à des propriétés privées. Et la plupart du temps, on va avoir des propriétés datées du 19e siècle. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est le siècle d'or des architectes paysagers. et on a conservé ces magnifiques travaux paysagers. Mmh. Donc aujourd'hui, il faut aller découvrir ces parcs parce que déjà, ce sont des havres de paix, ce sont des écrins pour l'architecture qui a été construite, mais c'est aussi juste beau et plaisant pour les yeux, juste voir quelque chose de beau en fait. Pour le simple plaisir, voir quelque chose, bah c'est quelque chose qu'on ne nous enlève pas. Nos yeux, c'est un bel appareil photo, hein, ça fonctionne bien, ça nous crée de beaux souvenirs. Et le végétal, la nature, que ce soit des arbres fantastiques, que ce soit des fleurs avec un parfum ou une couleur qui vont susciter de l'intérêt chez nous, bah voilà, en cela... Tout est remarquable et on essaie, nous, de le partager. Quand on a remarqué quelque chose... C'est accessible, c'est gratuit, c'est là, simple. Oui, il y a juste à profiter de ce qui est sous nos yeux. Voilà. Alors, vous avez de la chance aussi, du coup, à Péloir-Touraine, parce que rappelons que vos bureaux sont à Possé-sur-Cisse. Oh là là, oui. Et que j'imagine que sur la pause méridienne, quelquefois, vous allez vous balader dans ce fabuleux parc. Eh bien, je ne peux rien vous cacher. Ce midi même, je suis allée faire un tour. J'ai profité d'un petit rayon de soleil dans le parc du château de Possé. Alors, je vous avais dit qu'elle avait ramené le soleil dans son baluchon. Elle est allée le chercher dans le parc de Possé, Anna. C'est ça. Alors, à Possé, particularité, plusieurs châteaux. Le château de Bellecour, le château de Fourchette et le château de Possé. C'est le château qui se trouve dans le centre-bourg. Aujourd'hui, il appartient à une fondation, la Fondation Bertrand, mais au pied du château, il y a un magnifique parc. Ce parc appartient également à la fondation. La particularité, c'est qu'il a été décidé de le rendre accessible au public. Donc aujourd'hui, c'est comme un grand jardin public dans lequel vous pouvez aller vous promener. Et quand vous arrivez, vous êtes accueilli par un cèdre du Liban. Majestueux. Ouais. J'ai passé quelques heures sous cet arbre. Oui, il est vraiment très très très beau. C'est tout un emblème, hein, le cèdre du Liban. Mais si vous vous asseyez au pied du cèdre, vous avez une vue sur la Ramberge. C'est la petite rivière qui court dans le parc du château. Alors c'est une dérivation de la rivière. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, il y avait un château médiéval et cette dérivation, elle alimentait en eau le moulin du château. D'accord. Et oui, la vraie Ramberge, elle passe derrière nous dans le village. Et là, c'est une dérivation, hein, un deuxième bras qui a été créé pour alimenter en eau le moulin médiéval. Le château, qui était un château de type château fort, a lui aussi évolué au fil des siècles. Et alors, il y a quelque chose de tout à fait improbable qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, dont on ne peut pas se rendre compte, c'est qu'au XIXe siècle, dans le parc du château de Possé, il y avait une énorme usine. Mmh. Une usine à fer, une fonderie d'art. Et du coup, il y avait de nombreux bâtiments. Quand la fonderie d'art a été vendue dans les années 1876-1877, un monsieur du nom de Julien Bertrand a pu acquérir le terrain. Et c'est lui qui a décidé d'y aménager un parc paysager. Les bâtiments de l'usine ont disparu, il y avait un grand espace et un parc paysager a pu être aménagé. Malheureusement, nous n'avons pas encore aujourd'hui le nom de l'architecte paysager qui a pu y travailler. On n'a pas réussi à croiser assez les sources, mais ce n'est pas grave. On se balade au milieu d'essences remarquables, cèdre du Liban, séquoia et puis un petit chouchou, le ginkgo biloba aussi. Même si ses fruits sont très mauvais. Ah, alors, oui, le fruit des arbres femelles, en effet. Mais c'est une espèce dioïque, donc il y a des arbres mâles. Pendant longtemps, c'est une petite parenthèse, mais les villes, les communes qui souhaitaient acquérir des ginkgo biloba pour leur jardin botanique, pour leur parc, favorisaient bien sûr l'achat d'arbres mâles pour ne pas avoir la problématique de ces ovules, de ces fruits. Et puis, on s'en est rendu compte, et c'est un souci pour l'espèce. Du coup, aujourd'hui, les villes ne peuvent plus choisir. Ils achètent un pied, mais ils ne savent pas si l'arbre est un mâle ou une femelle. Ils auront la surprise un petit peu plus tard. Alors, pour l'anecdote, dans le jardin botanique de la ville d'Angers, très joli jardin botanique, il y a un ginkgo biloba qui est une femelle, qui est un arbre femelle. Et alors, fin octobre, début novembre, quand les ovules, quand les fruits tombent, eh bien en fait, l'équipe des jardiniers municipaux passe deux fois par jour pour ramasser les fruits, parce que c'est vrai, pour nous, Européens, c'est une odeur assez nauséabonde, ce qui n'est pas le cas pour les pays dont le ginkgo biloba est originaire. Hein. C'est un arbre qui est originaire d'Asie. Puis lui, il est vraiment à l'entrée. Ah oui. Donc on peut pas le rater. Donc c'est ça, oui, ça ne donne pas forcément envie d'aller plus loin dans le parc. Ouais, mais il faut passer outre la graine contenue dans l'ovule, si je puis dire, et j'espère que je ne vais pas froisser les jardiniers et les spécialistes, parce que moi, je ne m'y connais pas. Mais le standard explose, là, Anna. Ils sont tous en train de nous attaquer. ou le noyau contenu dans l'ovule est utilisé en médecine asiatique. Oui. Donc là-bas, c'est récolté et l'odeur n'en dispose pas. Mais nous, pour nos petits nez, c'est vrai, occidentaux, pas très habitués, ça peut être un peu perturbant. Mais il faut passer outre et il faut aller regarder cet arbre aux 40 écus, c'est son surnom. Oui. Pourquoi ? Parce que les premiers pieds qui ont été achetés en Europe ont coûté 40 écus. On dit aussi l'arbre aux 1000 écus. Alors là, c'est plus pour parler de ses feuilles dorées, hein, cette jolie teinte qu'ils prennent à l'automne. C'est vraiment un arbre très, très joli. Et puis alors, c'est magnifique. Un super résistant, hein, le ginkgo biloba. Quand la bombe a été envoyée durant la Seconde Guerre mondiale à Hiroshima, toutes les espèces végétales ont été détruites. Il y a eu un seul arbre qui a survécu, c'est le ginkgo biloba. Ah ouais. Et quand la végétation a commencé à repousser, ce sont les ginkgo qui sont repartis en premier. Donc c'est vraiment une espèce hyper, hyper résistante. Ah oui, on comprend que ça ait des vertus pharmaceutiques. Oui, on peut comprendre. Oui, du coup. Anna, je vous propose une petite pause en musique avec un titre que vous avez choisi aujourd'hui. « I put a spell on you ». De l'artiste Screaming Jay Hawkins. Alors, on connaît souvent d'autres versions de I Put a Spell on You, mais j'ai choisi celle-ci tout simplement parce que, pour des questions personnelles, oui, voilà, juste j'ai dansé pendant plusieurs années de la musique jazz et du swing, et mes professeurs avaient créé une chorégraphie sur ce morceau, et du coup, je garde en mémoire cette superbe chorégraphie et ce morceau qui prend aux tripes, pardonnez-moi l'expression, mais j'espère qu'il vous plaira. Sans aucun doute, on écoute tout de suite. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Choisi aujourd'hui par notre invitée Anna Brisson, guide conférencière pour le Pays Loire-Touraine dans le cadre du label d'art et d'histoire. Anna qui a en charge des missions de valorisation du patrimoine telles que les visites, les conférences et puis aussi des actions éducatives qu'elle mène avec sa collègue Camille Touleland. Anna, pour la dernière émission, elle nous avait emmené au pays du vitrail. Cette fois-ci, eh bien, on se balade dans les parcs et jardins locaux que l'on peut visiter. Alors, On a évoqué Valmer, Chenonceau notamment. Est-ce qu'il y a d'autres sites dont vous aimeriez nous parler, des sites à visiter ? Ah oui, bien sûr. Alors, on a pu parler de parcs publics, hein, Possé, Chenonceau, Château-Renaud, mais il y a des sites qui existent, qui sont ouverts à la visite de manière régulière, voire permanente, qu'il ne faut pas louper également pour leurs jardins. Alors, je vais les citer. Vous pouvez aller découvrir les très beaux jardins du Château Royal d'Amboise avec, par exemple, son jardin d'Orient. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sont ces buis taillés en boule. C'est un jardin, on va dire, mémoriel. Voilà. Le parc Leonardo da Vinci aussi, au Château du Clos-Lucé, toujours à Amboise. Alors là, vraiment, c'est un très grand parc avec l'ancien moulin, avec de très grands arbres. Et puis, c'est également l'occasion de découvrir quelques œuvres qui sont mises en avant dans le parc. Ah, un jardin, un parc assez intéressant, différent, c'est la pagode de Chanteloup. On est encore à Amboise, mais là, c'est une particularité. On me demande souvent, mais Anna, c'est quoi cette pagode ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Bon, déjà, il faut imaginer qu'il y avait un château à Chanteloup. Et la pagode n'était qu'un décor du parc du château. On était C'est dire le château. Oui, c'est ça. On peut imaginer. Bah, d'ailleurs, quand on va la visiter, on peut voir une petite vidéo, un petit film qui nous montre une reconstitution du château. C'était un château vraiment monumental. Et alors, cette pagode, c'est ce qu'on appelle une fabrique. Il y a eu une mode au XVIIIe siècle de ce qu'on a appelé les jardins à fabrique. Les fabriques, c'était des reproductions d'édifices miniatures que l'on retrouvait à travers le monde. Donc pour avoir un jardin à la mode au 18e, vous pouviez avoir une mini pyramide, un mini temple ou une mini pagode. C'était le cas de la pagode de Chanteloup. Voilà, donc elle faisait vraiment partie intrinsèque du parc du château de Chanteloup. Donc c'est-à-dire que la pagode de Chanteloup que nous avons à Amboise est une mini pagode. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Oui, quand on comprend comme ça. Un château qui vient de créer un parcours intéressant, c'est le château de Moncontour. Alors, vous avez un grand vignoble, le vignoble Ferret. On est sur les hauteurs de Vouvray, là. On domine la Loire. Ils ont créé un parcours littéraire autour d'Honoré de Balzac. Et oui, Honoré de Balzac adorait Vouvray et les vins de Vouvray. Donc là-bas, c'est une balade littéraire avec une allée de séquoias dindrons giganteum à tomber par terre. Voilà. Château Gaillard, vous l'avez mentionné, Marlène, avec l'histoire entre autres des oranges et puis pareillement des jardins sur différents niveaux avec une vue en contre-plongée sur le château. Jallanges aussi, enfin voilà. On peut aller aussi découvrir les grands jardins de tous ces sites bien connus pour leur architecture mais qui méritent qu'on s'attarde à leurs parcs et jardins. Alors c'est un art aussi hein, de pouvoir créer des jardins. Donc il y a des architectes paysagers qui vous tient à cœur de pouvoir évoquer. Oui, tout à fait. Alors en parlant de la Bourdésière il y a quelques minutes, j'ai évoqué le nom d'André Leroy sur la commune d'Angers. C'est ce qu'on appelle la première génération hein, au 19e siècle des architectes paysagistes. Et puis chez nous, sur notre territoire en Pays-Loire-Touraine, il y a la commune de La Croix en Touraine. On est en 1870 et un architecte paysagiste basé à Paris va acquérir un domaine avec une maison d'habitation et un grand parc pour y créer, y dessiner un grand jardin, mais aussi y faire des expérimentations. Cet homme, c'est Édouard André. Alors, qui est-il ? Cet homme naît à Bourges en 1840 dans une famille de pépiniéristes. Donc déjà, il a un petit pied dedans, voilà. Il va embrasser la carrière de ses parents et puis il va aller en formation chez Monsieur Leroy à Angers. Donc déjà, il va là-bas beaucoup apprendre, mais il va aussi commencer à se faire un petit carnet d'adresses. Un carnet d'adresses de commanditaires, de personnes qui auraient besoin qu'on dessine des plans de parc ou de jardin pour leur demeure. Le 19e siècle, c'est le siècle de tous ces grands industriels qui vont partir à la campagne se faire construire de jolis châteaux. Et avec le château, il faut un joli jardin. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai, vrai engouement pour les parcs paysagers au 19e siècle. Puis alors, l'échange de savoir, ça me rappelle avec le vitrail aussi. Oui, c'est ça. En fait, de génération en génération, ou quand deux générations se chevauchent, on va dire, ils vont partager, que ce soit là, leur connaissance purement technique sur le végétal, sur sa culture, mais aussi ces fameux carnets d'adresses si importants. Et on ne va pas oublier qu'au 19e siècle, on va avoir l'arrivée du chemin de fer et que le chemin de fer va être très important pour distribuer les différents plants de plantes ou d'arbres soit cultivées en France, soit même venues de l'étranger. Donc on comprend en fait finalement ce grand boom du jardin et du parc paysager. Oui, une diffusion très importante. Du coup, il passe chez André Leroy, c'est fantastique, et il décide de monter à Paris en formation au Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Paris. Il va être embauché par la ville de Paris au service des parcs et jardins. Il va travailler entre autres à la création du jardin du parc des Buttes-Chaumont, si vous en avez entendu parler. Voilà, il est dans l'équipe des créateurs pour la mise en place de ce nouveau parc. Et figurez-vous qu'en 1867, c'est une date charnière, la ville de Paris l'envoie passer un concours en Angleterre. Il y a un concours qui est lancé à Liverpool pour la création d'un tout nouveau grand parc d'environ 200 hectares. Et la ville de Paris veut envoyer un représentant. Il choisit Édouard André. Il participe au concours et il arrive premier. Donc c'est ce jeune architecte paysagiste français qui va réaliser ce parc de Sefton Park à Liverpool. Il a déjà un petit carnet d'adresses constitué et là, il a remporté un concours. Voilà. C'est banco. Exactement. Donc il va avoir une carrière vraiment, on va dire, prolifique. Ça va bien fonctionner pour lui. Il va avoir des amis en Touraine. Donc il va venir à plusieurs reprises pour des créations de parcs. Par exemple, sur la commune d'Azay-sur-Cher avec le château du Coteau, le château de Beauvais également. Et puis arrive 1870-1871, une période un peu trouble à Paris. Du coup, c'est là qu'il se dit qu'il serait judicieux pour lui d'avoir une maison à la campagne où il pourrait à la fois avoir un grand espace créatif de recherche, mais aussi une belle maison pour accueillir sa famille, ses enfants. Il a 3 enfants et il va acheter cette demeure, voilà, à La Croix en Touraine. On a un grand parc, il va partir presque de rien du tout et il va créer différents espaces. Il aime beaucoup le travail sur les jardins alpins, la flore alpine. Donc il y avait un petit jardin alpin, c'est difficile à croire aujourd'hui, mais à La Croix en Touraine. La culture des roses également, avec une roseraie. À l'époque d'ailleurs, ça ne s'appelle pas une roseraie, mais un jardin de roses. On va avoir de grands arbres plantés. Il y avait un cèdre et ce cèdre articulait beaucoup la pensée d'Édouard André pour la création de son parc et jardin. Malheureusement, il est tombé, ce cèdre, aujourd'hui, suite à des intempéries. Ça fait perdre un petit peu de sens au jardin, mais c'est pas grave, le parc est magnifique. Alors, quel type de parc va créer Édouard André? Ça, c'est aussi intéressant. Au XIXe siècle, tous les architectes paysagers ont pu avoir connaissance de ce qui s'est fait dans le passé. Ils ont la connaissance des jardins de l'Antiquité, des jardins du Moyen-Âge, des jardins de la Renaissance, des jardins classiques du XVIIe et des jardins à l'anglaise du XVIIIe siècle. Ils savent tout cela. Mais ils vont y réfléchir. On peut leur faire une commande d'un jardin classique. Et ils sont tout à fait capables de dresser des parterres géométriques de broderie devant une architecture, devant un château. Mais Édouard André, lui, va penser qu'on peut mélanger les deux. Il aime beaucoup le jardin à l'anglaise qui paraît absolument pas structuré, alors qu'il est presque encore plus structuré qu'un jardin à la française où chaque chose a une place très précise à quelques centimètres près. Donc le jardin à l'anglaise, on a l'impression que c'est un petit peu fou ou fouillis ou déstructuré, ça ne l'est absolument pas. Et lui, il va concevoir ce qu'on appelle le jardin composite. De manière très simple, il pense que plus on est près de l'architecture, plus on peut avoir un jardin géométrique. Donc des parterres de fleurs, des parterres de broderies, de petits buis. Mais plus on va s'éloigner de la demeure, plus on va avoir besoin d'être invité à la promenade par un jardin à l'anglaise. Et donc c'est ça le jardin composite, il va mélanger les deux styles selon la distance à laquelle on se trouve du château, de la maison, de la demeure. Et il va théoriser tout cela dans son traité des parcs et jardins qui est encore aujourd'hui étudié par les élèves en architecture et en paysagisme. Donc c'est devenu vraiment le parangon de l'histoire de la création de ces jardins, de ces parcs dits composites au 19e siècle. Ça comprenait des arbres fruitiers notamment, parce que je pense au parc de Bléré où il y a des figuiers par exemple. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Édouard André a même de mémoire et un prunier et un poirier qui porte son nom. Donc oui, en fait, dans un parc, dans un jardin, on peut avoir de tout. Par contre, pour concevoir le parc, il faut imaginer le jardin dans à peu près 30 ans. Mais c'est difficile. En fait, il faut se projeter une fois que les essences auront pris leur place, seront arrivées à leur taille, on va dire maximum. Les couleurs sont très importantes. Quel arbre, à quel type de feuillage, à quel moment de l'année ? Quel est le port de l'arbre, la forme? Est-ce qu'on va avoir un port plutôt triangulaire avec certains conifères, par exemple, ou plutôt un port en table avec des branches qui vont tomber presque à l'horizontale? Et en fait, le savant mélange de créer le parc et le jardin, c'est de réussir à avoir un petit peu de tout et que ce soit joli à toutes les saisons. Oui, d'harmoniser les couleurs. Exactement. Et les... On n'imagine pas tout ce travail en fait. Ah non, c'est un vrai métier de conception artistique. Et puis notre Édouard André, pour revenir à lui, a même été professeur des serres, par exemple, à l'école d'horticulture de Versailles. Là, on est plutôt dans les années 1890, à la fin de sa carrière. Et puis, quand il va nous quitter, il ne nous laissera pas seuls puisqu'il y a son fils René-Édouard André qui a pris le flambeau. Voilà. Donc on a cette chance d'avoir ce paysagiste qui a vécu chez nous, qui a travaillé chez nous, qui a composé de très jolis parcs et jardins, et on a encore aujourd'hui le témoignage de son travail avec le parc de la Croix en Touraine, qui est un parc public accessible à tous. Vous pouvez aller vous y balader, vous faire du sport. Vous pouvez aller à la Bibliochouette aussi, qui est Salut Violette, si elle nous écoute. Bonjour Violette. C'est votre coup de cœur, ça, Anna, ou vous auriez... Parce que, évidemment, je vais vous poser la question. Hein, qu'est-ce que ce serait votre petit coup de cœur personnel, vous, sur les parcs et jardins? Mon coup de cœur personnel, c'est un endroit qui n'est pas accessible au public, sauf à de très rares occasions. Non, là, ça veut... vous allez nous mettre l'eau à la bouche. Oui, mais ça veut dire que comme ça, vous devez absolument suivre notre programme, parce que la prochaine fois qu'on retourne à cet endroit, il faut être là. On a déjà eu la chance d'y aller, je crois, 3 reprises. C'est donc un lieu privé qui se trouve sur la commune de Monnet. Le château s'appelle le château du Mortier. Alors, ne vous y rendez pas, hein, puisque c'est vraiment rien. Ça ne sert à rien. Mais quand nous irons, venez avec nous, bien sûr. Déjà, c'est un château très curieux, puisque c'est un château en briques et ciment. Oui. Ah. On est au tout début du XXe siècle, c'est la famille de Vindel qui a fait construire ce château aux environs de 1906. La famille de Vindel, elle a fait fortune en tant que maître des forges dans l'est de la France, voilà. Et il procédait aussi le château de l'Orfrasière, pas très loin à Nozilly. Donc ce sont des endroits très curieux, très atypiques. Et alors, au château du Mortier, vous avez un parc remarquable, non pas dessiné par Édouard André, sur qui je viens de m'attarder un petit peu parce que j'ai une passion pour ce monsieur, mais sur un architecte paysager de la 3e génération, lui, Édouard André, c'était la 2e, là on arrive à la 3e, c'est Louis de Corge. Alors Louis de Corge, il est originaire de Suisse, voilà, et puis il s'est finalement marié et s'est installé en France. Il va réaliser ce parc paysager avec de très très très beaux arbres. Là, ce sont vraiment les essences qui sont à remarquer et qui nous font tomber par terre. Parfois, leur hauteur est vertigineuse. On va avoir encore une fois ces séquoias dindrons giganteum qui sont splendides. Alors, les séquoias, il en existe 3 espèces encore sur notre planète. Le séquoia sempervirens, le séquoia dindron giganteum et le métaséquoia. Elle n'est pas calée qu'en patrimoine. Ah là là, elle est incollable. Non, mais j'aime bien les arbres, j'avoue. On va rencontrer en Touraine et en France... Séquoia sempervirens et séquoia dindron giganteum, c'est ce qu'on appelle le séquoia géant. Mmh. Et il est vraiment, vraiment géant. Il est géant chez nous, mais il est encore plus dans sa terre d'origine, qui est le continent nord-américain. Oui. Exactement. Ce sont des arbres qui, quand ils sont au moment de leur pleine croissance, peuvent prendre 80 cm en une année. Donc ils font venir non pas des élagueurs, mais des éhoupeurs pour les tailler. Ouais. Oui, c'est très, sacrément très impressionnant. Ouais. Donc eux sont à voir. Il y a aussi un arbre plutôt rare dans ce parc du Mortier qui est le tulipier de Virginie, qui fait de très jolies fleurs, alors qu'ils ne ressemblent pas véritablement à des tulipes. Je ne sais plus pourquoi on a donné ce nom, mais très très jolies fleurs. Et c'est un arbre qu'on connaît et que vous pouvez très facilement imaginer. Vous voyez tous ces chalets fabriqués en rondins, justement sur le continent nord-américain, c'est du tulipier de Virginie. D'accord. Donc on voit que les arbres nord-américains ont été très très à la mode dans nos parcs et jardins à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc là-bas, c'est vraiment... Il y a un hêtre rouge aussi, un hêtre pourpre. juste à tomber par terre. Bon, vous voyez, j'ai le coup de cœur pour cet endroit. Ça se voit. Et puis, peut-être, allez, vraiment pour finir, plus facilement accessible, même si je crois que je vous en ai déjà parlé, lui est ouvert au public de manière régulière. C'est le château de Civray, à Civray de Touraine. Madame de Torrent vous y accueille avec un très grand sourire. Vous pouvez vous balader à l'entrée dans son jardin classique à la française. On accède par une grande allée de marronniers, de beaux parterres de fleurs. Tous les ans, elles changent de couleur. Des petits buis, des fleurs. Et vous passez de l'autre côté du château, côté jardin, puisqu'il y a côté cour et côté jardin. Là, on a une pelouse grandiose et on peut faire tout le tour du parc. Vraiment, en se baladant, on arrive à l'ancien potager avec le lavoir. On passe tout au fond du parc et arrivent les quatre grands pieds d'éléphant, que sont ces quatre grands platanes que j'aime tout particulièrement. Voilà, c'est un lieu à découvrir et lui, accessible, donc n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup Anna, ça donne très envie d'aller se balader. Alors c'est vrai que le fond de l'air peut être encore un petit peu frais, mais vous nous préparez quand même pour le mois de mars une conférence Parcs et Jardins. Oui, tout à fait. Donc ce sera la dernière conférence de notre cycle de conférences automne-hiver. C'est facile, le rendez-vous, il est le jour du printemps, le 21 mars. Le jeudi 21 mars à 18h, nous serons à Mont-Louis-sur-Loire, c'est facile, à l'espace Ligeria. Et donc j'aurai le plaisir, j'espère, de vous accueillir pour une conférence. Là, vous n'avez eu que le son, mais à la conférence, vous aurez aussi les images. Oui. Voilà. Donc, ce sera une bonne manière de débuter la jolie saison, on l'espère. Je vais me permettre une petite citation. Allez. Allez, allons-y. Allez. Connaissez-vous cette contrée que l'on a surnommée le Jardin de la France ? Ce pays où l'on respire un air si pur dans les plaines verdoyantes, arrosées par un grand fleuve. Le Jardin de la France, on y est, c'est chez nous, c'est la Touraine. Alors il faut aller y découvrir les parcs et jardins. Et là, c'était Alfred de Vigny, bien sûr, originaire de Loches que je me suis permise de citer. Donc oui, rendez-vous pour les parcs et jardins le 21 mars à 18h, espace Ligeria à Mont-Louis. Pour réserver, c'est très facile. www.paysloiretouraine.fr, il y a un petit onglet billetterie et vous pouvez réserver facilement. Et puis... Un petit rappel pour le vitrail. Ah oui, avec plaisir. Parce qu'avant le 21 mars, il y a notre quatrième donc, conférence de la saison. Rendez-vous le 29 février à 18h, cette fois-ci sur la commune de Monnet, dans la salle Barrique. Et ce sera une conférence dédiée à l'art du vitrail sur notre territoire, le pays Loire-Touraine. Voilà, je suis en train de mitonner, de préparer la fin du diaporama. Il va y avoir de jolies choses à regarder, plein de couleurs. Et vous savez quoi, on vous fait entièrement confiance, Anna. C'est gentil. Merci beaucoup à chaque émission de nous emmener avec vous, se balader au travers de notre patrimoine local. On se retrouve pour une prochaine émission. Donc le mois prochain, ça ne sera pas vous, Anna. Je ne crois pas. Je crois pas. Non, ce sera peut-être une surprise. Voilà. On n'en dira pas plus, mais en tous les cas, rejoignez-nous sur Radioactive. Et vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur la page Facebook de Radioactive. Radioactive 93 et 94.7 FM. À bientôt. À bientôt. Merci.